que je veux faire quelque chose, il faut que quelqu'un s'en mêle. Et je peux vous dire que ce n'est pas rose de ne pouvoir faire ma vie moi-même. Encore hier, il a fallu que ce con aille dans la rue. Trouve la fille à qui je voulais parler, le face à ma place sans laisser l'arrêter. J'en ai marre de ces connards, après je passe pour un foussard. Un gars qui n'ose pas dire ni ce qu'il pense, ni ses désirs. Pourtant je lui ai déjà dit que je voulais assumer ma vie. Il a fait sans l'avoir compris, mais au fond c'était plus fort que lui. C'est vrai que je n'aurais pas dû lui dire tout ce qu'il a voulu. J'aurais mieux fait de la fermer pour qu'il ne puisse pas me faire chier. J'en ai marre de ces connards, après je passe pour un foussard. Un gars qui n'ose pas dire ni ce qu'il pense ni ses désirs. J'espère seulement qu'un jour j'arriverai à dire mon amour sans que quelqu'un ne le fasse pour moi, contre mon gré mais à leur grande joie. J'en ai marre de ces connards, après je passe pour un foussard. Un gars qui n'ose pas dire ni ce qu'il pense ni ses désirs. J'en ai marre de ces connards, après je passe pour un foussard. Un gars qui n'ose pas dire ni ce qu'il pense ni ses désirs.